The Butcher Experience. L'émission qui parle de rock, souvent en long, parfois en large, et toujours en travers. The Butcher Experience. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce sixième épisode de The Butcher Experience. Après le calme et la beauté des morceaux de Beck la semaine passée, il est grand temps de remettre une secousse à notre cocotier musical pour casser le cou à une idée reçue, à un préconçu tenace, un cliché grand breton propagé par John Lennon lui-même quand en 1979 il avait osé comparer le rock français au vin anglais. John Lennon n'est donc pas un type très sympa, vous en conviendrez. Les deux épisodes à venir seront donc consacrés à la réhabilitation du rock et de la pop française, en vous offrant un panorama géographico-musical garanti 100% sans Indochine. Avant d'aborder les meilleurs groupes pop-folk français la semaine prochaine, nous allons aujourd'hui faire un tour de France à la recherche du meilleur du rock hexagonal. Si quand on parle de rock en France, les premiers noms qui vous viennent à l'esprit sont Johnny Hallyday, Dick Rivers ou Eddie Mitchell, on pourrait se dire que Lennon n'avait peut-être pas tout à fait tort. Il serait aussi aisé d'évoquer les Glorieux Aînés de Noir Désir qui ont monopolisé la scène rock française pendant 20 ans. On peut aussi regarder plus loin dans les années 1980, avec l'arrivée du punk et des groupes comme Oberkampf ou les Stinky Toys, mais aussi avec un rock alternatif centré autour des Dogs ou des Garçons Bouchers, de très nombreux groupes français se sont fait connaître au moins nationalement. Difficile de ne pas citer également les Mano Negra, Innocent, Rita Mitsouko et autres Dominique A. Pourtant aujourd'hui, les médias généralistes mettront plus facilement en valeur ce qui s'exporte, à savoir la French Touch et sa pléiade de clones, tout autant que les boîtes à tubes surfaites, Skip the Use ou Chaka Ponk en tête. Le rock français n'est pas l'apanage de Paris, pas plus que celui des grands médias prescripteurs de bon goût. Le rock français, c'est celui de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal en somme. Mais point de ça aujourd'hui, un simple constat d'une toute petite heure pour montrer que le rock français qui chante en anglais n'a finalement plus aucune raison d'être jaloux de son voisin d'outre-Manche, tant les groupes de qualité animent une scène de plus en plus foisonnante. Comme il faut bien commencer quelque part, je commencerai par ce que je nommerai allègrement la révélation de l'année. Ils sont nantais, forcément, issus des Von Parias, ils sont jeunes, ils sont doués, ils sont beaux. Ils s'appellent Appier et on écoute tout de suite Wold. Every morning I see Si notre tour d'horizon du jour sera très fortement centré sur les années 2010, voire même sur 2015 exclusivement, les groupes de qualité ne sont pas seulement issus des 5-6 dernières années évidemment. Si des USA est arrivé le grunge, dont Nirvana fut l'une des figures de proue, la France d'en bas, j'entends par là la France du Sud, nous proposait Drive Blind. Drive Blind, c'est un groupe mythique du rock français indépendant, rien que ça. Auteurs des excellents Tropical Motion Fever et Be a Vegetable, les Nîmois se sont largement exportés en Europe, ont été invités chez Bernard Lenoir aux fameuses Black Sessions de France Inter, et se sont fait connaître par le rock à la confluence de la noise et du grunge. Il en fut de même pour les Angevins des Tugs, formation culte aux plus de 700 concerts signés chez Sub Pop, le grand label américain, passé par les Peel Sessions de la BBC, ayant joué en première partie de Nirvana, et l'un des rares groupes de l'époque 80s-90s à chanter en anglais, détonnant avec l'ensemble du paysage musical français du moment. Tout de suite, Safety Tasted de Drive Blind, issu de Tropical Motion Fever, sorti en 1994, suivi de As Happy As Possible des Tugs, enregistré à Seattle en 1993. Thank you. The Butcher Experience, tous les jeudis de 18 à 19h sur Jet FM 91.2. Après Nantes, Angers et Nîmes, on remet le cap au nord pour nous poser en terre charentaise, dans un des hauts lieux du rock français, Jarnac. Jarnac, qui sera sans doute le thème d'un futur épisode de The Butcher Experience, est une petite ville des Charentes où se concentre un nombre de groupes de rock des plus improbables. Si la densité y est exceptionnelle, elle l'est tout autant que sa qualité. Sans rentrer dans les détails de la scène de Jarnac, on y retrouve des figures de proue telles que Gatchien, Café Flèche, Mister Protector ou Ed Cases. Ed Cases, c'est justement d'eux dont je vais vous parler maintenant. Trio power pop composé de Pierre-Louis François, que l'on verra par la suite dans Louis Francesco Arena et Rubicon, de Laurent Parado, plus connu chez Gatchien, et de Matt Gaz, batteur actuel de Mars Red Sky, Ed Cases, c'est la classe, enrobé dans une belle couche de talent. Auteur de 4 albums, dont l'excellent Castaway But Blessed, enregistré dans l'Electrical Studio de Steve Albini à Chicago, les Charentais auront marqué le rock français des années 2000, sans pour autant n'avoir réussi totalement à se révéler au grand jour. Tout de suite, Carnival Sex Times, issu de l'album Welcome the Intruder. La quatrième étape de notre tour se dirigera tranquillement vers le nord, vers Bordeaux, terre de rock, où sévissent entre autres les excellents labels Vicious Circle et Talitre. Bordeaux, ce n'est pas seulement du vin, des cannelés et un stade de football vide. C'est bien sûr la ville de Noir Désir. Point de Bertrand Cantat dans notre panorama du jour, mais plutôt l'un des groupes en vogue sur les bords de la Garonne, les excellents JC Satan. JC Satan, ce sont des bêtes de scène, un quintet franco-italien distillant un garage brutal, mêlé d'une superbe sensiblerie rock. Sans plus attendre, la très belle Waiting For You, sortie en 2015. Looking out for Après Bordeaux, direction Nice, chez J. Chris Martin et son projet solo The Landscape Tape. Bricolage lo-fi, rock minimaliste à l'efficacité maximale, The Landscape Tape est l'auteur de deux excellents albums sortis chez Wanton Wankor Records. Sans plus attendre, le très swellien There's the Devil Waiting. Après être redescendu loin dans le sud, quoi de mieux qu'une belle diagonale pour rejoindre Rennes. Rennes, c'est une des capitales du rock français. Avec Nantes, évidemment. Et ceci en toute bonne foi chauvine. À Rennes, la foisonnante scène rock nous donne l'occasion aujourd'hui de découvrir plusieurs groupes des plus excitants. Fat Super, d'abord, et son rock tendu, profond, voix grave et guitare baritone, nous envoie directement vers ce que les USA ont pu faire de mieux dans les 90s. Leur Academic Sausage est à n'en pas douter l'un des meilleurs albums de 2015, en plus d'un titre sacrément classe. On évoquera aussi dans ce chapitre les excellences de Missing Season. Avec des membres échappés de Totoro, Bantam Lions ou Sudden Death of Stars, The Missing Season a lancé l'année 2016 sur les chapeaux de roue, avec son Getting Back, sorti en janvier dernier. Tout de suite, Surrogate de Fat Super, suivi de Party Girl de The Missing Season. Thank you. was like a fake dream. A concentrated female sight. It was my decision to shake your butt a little faster. Lonely and only on slow motion. On slow motion. On slow motion. I know what your passion is. Not your poison is. And if you would rip me, but not without strategy. But lonely and only on slow motion. Future Experience. Tous les jeudis de 18 à 19h sur Jet FM 91.2. Pour faire preuve de ma bonne volonté, nous allons rester à Rennes, parce qu'il est indispensable d'évoquer le cas de Laetitia Sheriff. La Parisienne, installée en Bretagne en 2003, est une auteure-compositrice de grand talent. Entourée de membres d'Eiffel ou de Mansfield Tia, la Rennaise a beaucoup tourné en Europe, mais également dans les grands festivals français, Vieille Charrue ou Européenne en tête. La superbe chanson que nous allons écouter tout de suite, et intitulée Opposite, fait état de ce rock langoureux, sensible et poétique, faisant la part belle à la magnifique voix de Laetitia Sheriff. To your mood, you play again with your shadow, you play a game. Thank you. Pour continuer sur les voies féminines, direction Vendôme, sous-préfecture du Loir-et-Cher, pour aborder le cas de Ropoporose. Duo de frangin-frangine entre Pauline et Romain, Ropoporose nous a proposé dans son Elephant Love une sacrée tracklist qui nous évoque par instant le Sonic Youth chanté par Kim Gordon. Preuve immédiate, Moira, paru en 2015. Thank you. Son tour de France touche à sa fin, et comme toute dernière étape, un passage par la capitale s'impose. Paris, c'est évidemment une pléiade de groupes indés. Si dans les années 2000, ce sont les mythiques parisiennes qui ont animé la scène locale, on abordera aujourd'hui le cas de Wonderflu, excellent combo power pop ultra vitaminé aux multiples références. Les gars ne se contentent pas de musique, puisqu'ils animent également la scène parisienne avec un festival, le Frixin, mais aussi un label indé et un blog des plus intéressants pour ceux qui voudraient en apprendre plus sur la culture rock dans son ensemble. Le rock français est donc loin d'être mort. On peut même dire qu'il n'a jamais été aussi vivant. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode consacré au groupe pop folk français, mais tout de suite, et pour terminer, deux titres de Wonderflu, Fine Now, suivi de Speaker. Tell me more about the things that I don't know. Jet FM 91.2. Pour vos sorties, l'agenda concert vous propose de vous rendre dès ce soir au Pôle étudiant de l'Université de Nantes pour les Love Sessions d'un groupe dont nous avons parlé en début d'émission, les Bordelais de J.C. Satan. Entrée gratuite pour une soirée où seront également présents Hyperculte et The Slow Sliders. Dans l'agenda, je vous recommande également le Festival Sonore qui se déroulera du 14 au 16 octobre au sein de divers lieux de la métropole nantaise comme Trampolino, Stereolux, le Panonica et bien d'autres. Organisé par l'association Jet avec le concours de nombreux partenaires et bénévoles, Sonore est un festival de création radiophonique, un temps d'échange, d'écoute et de rencontre autour de ses façons de dire et de faire de la radio. Depuis 2006, le Festival Sonore invite à une plongée dans la création sonore sous toutes ses formes. Fiction, documentaire, field recording, musique audacieuse, déclinée en causeries, conférences, performances, live, installations, marches sonores et séances d'écoute. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode du Butcher. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite, plus douce, consacrée à la pop folk hexagonale. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. À l'écoute de Jet FM.